يتترسون بها من نسبتهم إلى النفاق، فصدوا عن سبيله بأنفسهم، وصدوا غيرهم ممن يخفى عليه حالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وأقسموا على ذلك وأوهموا صدقهم، ذلك الذي زين لهم النفاق بسبب أنهم لا يثبتون على الإيمان. Il dit, rahimahullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine et que les musulmans ont grandi en nombre et que l'islam est devenu fort et s'est renforcé à Médine, il y a des personnes de Médine parmi les tribus de l'Aous et l'Khazraj, qui étaient des tribus juives, qui ont montré la foi et ont caché la mécréance afin de garder leur dignité et afin que soit sacré leur sang et afin que leurs biens soient protégés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité des caractéristiques à travers lesquelles ils sont reconnus. Qui est reconnu ? Les hypocrites. Afin que les serviteurs prennent garde à eux et afin qu'ils soient face à eux en toute clairvoyance. Puis Allah Azza wa Jal dit, إذا جاءك المنافقون قالوا, quand les hypocrites viennent à toi, c'est-à-dire viennent à toi au Muhammad et disent, c'est-à-dire disent en mentant, nous attestons que tu es l'envoyé d'Allah. Et cette attestation et ce témoignage de la part des hypocrites, qui est un témoignage faux et qui est de l'hypocrisie de leur part, quand on dit un témoignage faux, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que cela est vrai, même si bien sûr le professeur Hassam est bel et bien l'envoyé d'Allah. Tout en sachant que il n'y a pas besoin de leur témoignage pour appuyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah azza wa jalla dit, et Allah sait que tu es son prophète, et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Ils mentent lorsqu'ils disent cette parole et lorsqu'ils prétendent ceci et que ce n'est pas une vérité qui émane d'eux. اتخذوا ايمانهم جنة. Ils prennent leur serment comme bouclier. Ils prennent leur serment comme bouclier. C'est-à-dire, le fait qu'ils jurent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien l'envoyé d'Allah, eh bien, ils prennent ces serments comme des boucliers entre les musulmans et la découverte qu'en réalité, ce sont des hypocrites. فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ بِأَنْفُسِهِمْ. Ainsi, ils s'égarent eux-mêmes du droit chemin et égarent également ceux qui ne connaissent pas leur situation. Ils égarent également ceux qui ne connaissent pas leur situation et qui ne savent pas que ce sont en réalité des hypocrites. إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire, quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont montré la foi et ont caché la mécréance, et ont juré que c'était des croyants, et ont fait croire à leur véracité. Ceci, car ils n'étaient pas ancrés dans la foi. ثم قال رحمه الله بل آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم بحيث لا يدخلها الخير أبدا فهم لا يفقهون ما ينفعهم ولا يعون ما يعود بمصالحهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من ورائها من روائها ونضارتها وإن يقولوا تسمع لقولهم أي من حسن منطقهم تستلذ لاستماعه فأجسامهم وأقوالهم معجبة ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهدي الصالح شيء ولهذا قال كأنهم خشب مسندة لا منفعة فيها ولا ينال منها إلا الضرر المحض. يحسبون كل صيحة عليهم، وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم والريب الذي في قلوبهم، يخافون أن يطلع عليهم. فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الدين الإسلامي بعدما تبينت أدلته واتضحت معالمه، إلى الكفر الذي لا يفيدهم إلا الخسارة والشقاء. وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا يستغفر لكم رسول الله عما صدر منكم لتحسن أحوالكم وتقبل أعمالكم، امتنعوا من ذلك أشد الامتناع، ولووا رؤوسهم امتناعا من طلب الدعاء من الرسول. ورأيتهم يصدون عن الحق بغضا له، وهم مستكبرون عن اتباعه بغيا وعنادا. فهذه حالهم عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول، وهذا من لطف الله وكرامته لرسوله، حيث لم يأتوا إليه فيستغفر لهم. فإنه سواء استغفر لهم أم لم يستغفر لهم، فلن يغفر الله لهم، وذلك لأنهم قوم فاسقون خارجون عن طاعة الله، مؤثرون الكفر على الإيمان، فلذلك لا ينفع فيهم استغفار الرسول لو استغفر لهم، كما قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, en expliquant les versets 3 à 6 de Sourate Al-Munafiqoun, il dit, rahimahullah ta'ala, ils ont cru puis ont rejeté la foi, leurs cœurs ont donc été scellés. C'est-à-dire que le cœur de ces hypocrites ont été scellés, de telle sorte que le bien ne puissent pénétrer leur cœur. Fahum la yafqahoun, de sorte qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire de sorte leur cœurs sont scellés, de sorte qu'ils ne comprennent pas ce qui leur est bénéfique et ne saisissent pas ce qui est dans leur intérêt. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, et quand tu les vois, leur cœur t'émerveille, de par leur bel aspect et de par leur charme. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles, c'est-à-dire qu'ils sont éloquents, et leur éloquence t'amène à les écouter. Ainsi, leur corps et leurs paroles sont étonnants. Mais il n'y a derrière cela aucun comportement louable, ni aucune voie vertueuse. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهُ, ils sont comme des bûches appuyées contre des murs. C'est-à-dire qu'ils ne sont en aucun cas profitables et ils sont au contraire nuisibles. Et l'imam al-Baghawi rahimahullah, donc ça c'est un plus dans le tafsir de cette parole d'Allah Azza wa Jal, كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَهُ, comme si ils sont comme des bûches appuyées. Donc ici, Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire qui ne sont pas profitables et au contraire, qui apportent un préjudice. L'imam al-Baghawi rahimahullah, dans son tafsir, apporte un peu plus d'éclaircissement. Il dit, rahimahullah, وَأَرَادَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَشْجَارٍ تُثْمِرْ لَكِنَّهَا خَشَبٌ لكنها خشب مسندة إلى حائط هم أجساد بلا أرواح وأشباح بلا عقول. Donc il dit, rahimahullah, l'imam al-Baghawi, Allah Azza wa Jal a voulu dire qu'ils ne sont pas des arbres qui donnent des fruits, que les hypocrites ne sont pas des arbres qui donnent des fruits, mais ils sont comparables à du bois qui est adossé et appuyé contre un mur. Ainsi, un morceau de bois appuyé contre un mur, est-ce qu'il apporte un bénéfice quelconque ? Non. Il dit, rahimahullah, ils sont comme des corps sans âme et comme des troupeaux sans raison. Et comme des troupeaux sans raison. Fin de citation de l'imam al-Baghawi, rahimahullahu ta'ala. Puis Cheikh Sa'di, rahimahullah, cite la parole d'Allah Azza wa Jal, يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. Ils pensent que chaque cri est dirigé vers eux. Qui pense ? Les hypocrites. Et ceci de par leur lâcheté, leur peur, la faiblesse de leur cœur et le doute qu'il y a dans leur cœur, et ils redoutent qu'ils soient révélés au grand jour. Ainsi, celui qui a des choses à se reprocher, eh bien, il est toujours apeuré. Et lorsqu'il entend des paroles, étant donné qu'il se reproche des choses, il pense que ces paroles le concernent. Il pense que ces paroles le concernent et qu'il est le sujet de la discussion. فَهَاُولَا هُمُ الْعَدُوُ. Ceux-là sont les ennemis réels. Car l'ennemi qui est connu est moins pire que l'ennemi que l'on ne voit pas venir. Car cet ennemi qui se cache est trompeur et rusé. Il prétend qu'il est allié alors qu'en réalité c'est l'ennemi manifeste. فَحْذَرْهُمْ. Prends-y garde, c'est-à-dire, ô Mohammed, prends garde à ces hypocrites, qu'Allah les extermine et les voilà détournés du droit chemin. C'est-à-dire, comment peuvent-ils délaisser la religion musulmane après que les preuves de la véracité de cette religion sont apparues ? Comment ont-ils délaissé la religion musulmane pour s'adonner à la mécréance dont ne résulte que la perdition et le malheur? Puis il dit Azza wa Jal, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. Et quand on leur dit, c'est-à-dire à ces hypocrites, implorez le pardon pour vous. Implorez le pardon pour vous. C'est-à-dire, venez afin que le prophète vous demande le pardon de ce qui a émané de vous, afin que votre situation s'améliore, afin que vos actes soient acceptés. Imtana'u dhalika ashadd al-imtina'. Lorsqu'on leur disait, allez voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demandez-lui qu'il demande à Allah de vous pardonner, ils s'abstenaient de cela de façon virulente. Et ils détournaient leur tête, comme l'a dit Allah Azza wa Jal. Ils détournaient leur tête pour ne pas demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer en leur faveur. Et tu les vois se détourner. Tu les vois se détourner de la vérité, car ils détestent celle-ci. En s'enflant d'orgueil, c'est-à-dire qu'ils rejettent la vérité en toute injustice et en faisant preuve d'entêtement. Ceci est leur situation lorsqu'on les appelait à demander que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque en leur faveur. Et ceci fait partie de la douceur d'Allah azza wa jal envers son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que les hypocrites ne soient pas venus à lui sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'invoquer Allah en leur faveur et de demander à Allah Azza wa Jalla de leur pardonner, car qu'il leur demande le pardon ou qu'il ne demande pas à Allah de leur pardonner, dans tous les cas, Allah ne leur aurait pas pardonné. Car c'est un peuple pervers qui sont sortis de l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont préféré la mécréance à la foi, c'est pour cela que la demande de pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur serait d'aucune utilité, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé le pardon d'Allah pour eux. Car comme l'a dit Allah azza wa jal dans le verset 80 de sourate At-Tawbah, que tu leur demandes pardon ou que tu ne leur demandes pas pardon, même si tu leur demandais pardon 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله ne guide pas le peuple des pervers. ثم قال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله عز وجل دي dans les versets 7 et 8 de Sourate Al-Munafiqoun, ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. » Ils, c'est-à-dire les hypocrites, disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. Or, c'est à Allah qu'est la puissance, ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. » قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا من شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لما رأوا اجتماع أصحابه وائتلافهم ومسارعتهم في مرضات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بزعمهم الفاسد لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا فإنهم بزعمهم لولا أموال المنافقين ونفقاتهم عليهم لما اجتمعوا في نصرة دين الله وهذا من أعجب العجب أن يدعي هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذية المسلمين مثل هذه الدعوة التي لا تروج إلا على من لا علم له بحقائق الأمور ولهذا قال الله ردا لقولهم ولله خزائن السماوات والأرض فيؤتي الرزق من يشاء ويمنعه من يشاء وييسر الأسباب لمن يشاء ويعسرها على من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون فلذلك قالوا تلك المقالة التي مضمونها أن خزائن الرزق في أيديهم وتحت مشيئتهم. Il dit رحمه الله ceci fait partie de l'animosité qu'ils avaient à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Lorsqu'ils ont vu que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et accouraient à mettre en œuvre ce qui satisfaisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hypocrites ont dit en prétendant لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Ne dépensez pas pour ceux qui sont auprès du messager. Qui sont auprès du messager? Les compagnons radiallahu anhum. Afin qu'ils se dispersent. Afin qu'ils se dispersent. Ils ont prétendu, c'est-à-dire les hypocrites, que si ce n'était les biens des hypocrites, et si ce n'était le fait que les hypocrites dépensent de leurs biens pour les compagnons, eh bien, les compagnons ne se seraient pas réunis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour secourir la religion d'Allah. Et ceci fait partie des choses les plus étonnantes. Comment ces hypocrites peuvent-ils prétendre cela alors qu'ils sont les gens les plus acharnés à tromper la religion et à porter atteinte aux musulmans? Ces paroles ne peuvent émaner que de ceux qui ne connaissent pas la réalité de la situation. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal leur a répondu en disant « وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » À Allah appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Ainsi Allah donne la pourvoyance à qui il veut. Il prive de la subsistance à qui il veut. Allah facilite les causes de la subsistance à qui il veut. Et il rend difficile les causes de cette subsistance à qui il veut. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Mais les hypocrites ne comprennent pas. Et c'est pour cela, c'est parce qu'ils ne comprennent pas cela qu'ils ont dit une telle parole. Une telle parole dont l'on comprend que les trésors de la subsistance sont entre leurs mains. et sont sous leur volonté. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل وذلك في غزوة المريسيع حين صار بين بعض المهاجرين والأنصار بعض كلام كدر الخواطر ظهر حينئذ نفاق المنافقين وأظهروا ما في نفوسهم وقال كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني المهاجرين إلا كما قال القائل غذ كلبك يأكلك وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون وأن الرسول ومن معه هم الأذلون والأمر بعكس ما قال هذا المنافق فلهذا قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهم الأعزاء والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلاء ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك فلذلك زعموا أنهم الأعزاء اغترارا بما هم عليه من الباطل ثم قال نعم اغترارا بما هم عليه من الباطل puis il dit rahimahullahu ta'ala en expliquant le 8e verset de sourate al-munafiqun ils disent si nous retournons à Médine le plus puissant en fera sortir le plus humble ou en fera sortir le plus humble Il dit, rahimahullah, que cela a eu lieu pendant la bataille de l'Muraysi'a. La bataille de l'Muraysi'a, qui est appelée également la bataille de... Qui connaît l'autre nom de cette bataille ? Non ? La bataille de Bani al-Mustaliq. La bataille de Bani al-Mustaliq. Cette bataille qui a eu lieu en quelle année de l'Hégire ? En l'an 5 de l'Hégire. En l'an 5 de l'Hégire, lorsque la tribu de Bani al-Mustaliq, le professeur Assam a eu des informations, le professeur Assam avait des informations que la tribu de Bani al-Mustaliq allait l'attaquer. Le professeur Assam est parti avec ses compagnons pour aller les combattre. Beaucoup de versions sur cette bataille, mais la version la plus proche et la plus véridique est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récupéré du butin sans qu'il n'y ait eu de combat. Et c'est notamment dans cette bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec laquelle de ses épouses ? Juwayriya bint al-Harith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié à elle car c'était une notable de son peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam espérait que son peuple se convertisse par sa conversion. Radiyallahu ta'ala anha. Effectivement, c'est ce qui a eu lieu. Donc dans cette bataille de Banu al-Mustaliq, il y a eu une altercation entre certains muhajirines et certains ansar. Et cette altercation... et le fait qu'un des muhajirines a frappé Kasa'a, Rajulan min al-Ansar. Kasa'a, c'est-à-dire frapper le derrière, soit avec son pied ou soit avec sa main. Et il y a eu donc une altercation et le Médinois a dit « Ô al-Ansar ». Et le muhajir a dit « Oh, al-muhajiroun ». Autrement dit, chacun appelait sa tribu pour venir le secourir. Le professeur Hassem a entendu cela et il a dit « Da'ouha fa'innaha muntina ». Délaissez-la car elle est mauvaise. C'est-à-dire, cette distinction est le fait que chacun appelle sa tribu. Une forme de nationalisme, de se secourir de par sa nationalité. Car ce sont avant tout des musulmans. Et cette altercation a fait en sorte que certains hypocrites et profiter de cette situation pour l'envenimer. Et parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui fait partie des têtes des hypocrites au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qu'il a dit, il a dit, ils sont comparables, et il a donné une image pour comparer al-Muhajirun et al-Ansar, sachant que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul était de quelle ville? De Médine. L'homme qui a frappé l'autre était un Muhajir qui a frappé un Médinois. Et pour envenimer la chose, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a dit, ils sont comparables, c'est-à-dire les Muhajirines, à nous, comme la parole de celui qui a dit, donne à manger à ton chien, il te mangera. Nourris ton chien, il finira par te manger. Car Al-Ansar ont accueilli Al-Muhajirun et ont pris soin d'eux, les ont pris sous leur égide. Et donc, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, pour envenimer la chose, a dit cette parole. Et parmi la parole qu'il a dit également, « لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ » Lorsque l'on retournera à Médine, « لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ » Le puissant fera expulser le faible. Et il prétendait par cela que lui et ses frères hypocrites étaient les plus forts, et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui étaient avec lui, étaient les plus faibles et les humiliés. Or, en réalité, c'est le contraire qui est vrai, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ » Et la puissance appartient à Allah, à son prophète et aux croyants. Ainsi, les croyants sont les puissants, et les hypocrites, ainsi que leurs frères parmi les mécréants, sont les humiliés et les faibles. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Mais les hypocrites ne le savent pas. Ceci, ils ne le savent pas, car ils ont prétendu qu'ils étaient les puissants, ceci en étant dupés par le faux dans lequel ils sont. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans les versets 9 à 11 de sourate Al-Munafiqun, ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah, cependant, n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره فإن ذلك الربح والفلاح فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك، أي يلهيه ماله وولده عن ذكر الله، فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. فقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذا النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات، ونفقة الزوجات والممالك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه. فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك. الموت الذي دجا لا يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير، ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا الرجعة التي هي محال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها، والله خبير بما تعملون من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. تم تفسير سورة المنافقين ولله الحمد. Donc il dit رحمه الله تعالى en expliquant les versets 9 à 11 de سورة المنافقون: Allah عز وجل ordonne à ses serviteurs croyants de beaucoup l'évoquer subhanahu wa ta'ala, car dans le fait de beaucoup évoquer Allah Azzawajal, il y a la réussite et il y a de nombreux biens. Allah Azzawajal les met en garde que ne les distrait leurs biens et leurs enfants vis-à-vis de son évocation et de son rappel, car l'amour des biens et des enfants est une chose innée dans chez beaucoup de personnes. Et ainsi, elles font précéder ces choses, c'est-à-dire leurs biens et leur famille, devant l'amour d'Allah. Et il y a dans cela une immense perte. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Et celui qui fait cela, c'est-à-dire celui dont les biens et les enfants le distraient du rappel d'Allah, ce sont eux les perdants. Ce sont eux qui auront perdu la joie et le bonheur éternel, et ce sont eux qui auront perdu les bienfaits qui persisteront et resteront éternellement. Car ils auront fait précéder ce qui est éphémère devant ce qui est amené à disparaître. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat At-Taghabun: vos biens et vos enfants sont une tentation, et auprès d'Allah, il y a une immense récompense. Auprès d'Allah, il y a une immense récompense. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal: wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Entre dans cela les dépenses obligatoires, comme la zakat obligatoire, comme ce que la personne doit dépenser comme expiation. Également entre dans ces dépenses obligatoires le fait de subvenir aux besoins de sa famille et de ceux qui sont sous sa responsabilité. Cela englobe également les dépenses surérogatoires et préférables, comme le fait de dépenser son argent dans ce qui apporte un bénéfice. وقال, et Allah Azza wa Jalla dit: mimma razaqnakum, de ce que nous vous avons octroyé. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dépenser ce que nous vous avons octroyé? Non. Il a dit dépenser de ce que. Pour montrer que Allah Azza wa Jal n'impose pas à ses serviteurs de dépenser une chose qui serait difficile pour eux ou qui leur prêterait préjudice. Mais Allah Azza wa Jal leur ordonne de donner, de dépenser une partie de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyé des choses qu'ils ont obtenues par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par le fait qu'Allah Azza wa Jal leur ait facilité les causes pour obtenir cette subsistance. Qu'ils soient donc reconnaissants envers celui qui leur a donné, en aidant leurs frères qui sont dans le besoin, et qu'ils s'empressent à faire cela, car la mort, lorsqu'elle arrive, elle ne permet pas aux serviteurs de faire après elle ne serait-ce qu'un atome de bien. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, avant que la mort ne touche l'un d'entre vous, et qu'ils disent, en regrettant, en ayant des remords du temps ou de l'occasion qu'il a manqué, en demandant à Allah Azza wa Jal le retour qui sera à ce moment-là impossible, lorsqu'il dira, ô Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Si seulement tu m'accordais un court délai afin que je puisse rattraper ce à quoi j'ai failli. Fa'as-saddaq. Je ferai alors l'aumône, c'est-à-dire je donnerai en aumône de mes biens. Une aumône qui me sauvera du châtiment et une aumône par laquelle je mériterai une grande récompense. Wa akum min as-salihin, et que je fasse partie des vertueux en appliquant les ordres et en délaissant les interdits. Et entre dans cela le hajj et autres, comme l'a dit Cheikh Saadi, rahimahullah ta'ala, mais cette demande et cette espérance, son temps aura été écoulé et dépassé. Et ce qui a été loupé comme occasion ne pourra pas être rattrapé. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et Allah n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Wallahu khabirun bima ta'amaloun. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites, comme bien et comme mal. Et Allah Azza wa Jal vous rétribuera selon ce qu'il sait de vous comme intention et comme acte. Ainsi se termine le tafsir de Sourate Al-Munafiqoun. Et la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.